Chapitre 30e. Monsieur Heisenberg voulut interroger Marthe, mais lorsqu'il fut assis près d'elle, il la trouva si accablée qu'il eut pitié d'elle. Elle suffoquait dans son mouchoir, et malgré les efforts qu'elle faisait pour se retenir, elle était secouée par des mouvements convulsifs. Il était évident que dans cet état, toute question, toute parole ferait éclater sa douleur et la redoublerait. Le trajet de la mare d'Auteuil à l'avenue de Messine se fit donc sans qu'il y eût un seul mot d'échangé entre eux. En approchant de la maison de son père, Marthe tâcha de se remettre. Elle essuya son visage et se roidit de toutes ses forces contre son émotion. « Je reviendrai tantôt, » dit M. Heisenberg en lui donnant la main pour descendre. « Tu sais que tu m'as promis 3 jours. Nous ne sommes encore qu'au premier. » Il revint vivement à son hôtel, Philippe arrivait. Ainsi, dit M. Heisenberg en le prenant par le bras, elle persiste, la malheureuse enfant, dans sa résolution d'épouser M. de Saint-Austrebert. Elle n'a pas eu un moment d'hésitation, pas même un moment de faiblesse. Si elle a été forte avec vous, elle a été faible avec moi. Depuis qu'elle vous a quitté, ses larmes n'ont pas cessé de couler. Elle est dans un état pitoyable, la chère petite. C'est là un premier indice pour ce que je veux savoir, mais ce n'est pas tout. Que vous a-t-elle dit ? Elle m'a dit qu'il fallait qu'elle acceptât M. de Saint-Austrebert, que c'était pour elle un terrible sacrifice, mais qu'elle s'y résignait pour son père. Et comme je me récriais, elle a ajouté que si je savais la vérité, je comprendrais que ce mariage était inévitable et que je devais la croire sans lui demander un secret qui n'était pas le sien. Un secret qui n'est pas le sien, ce sont ses propres paroles. Et c'est là tout. Au moins, c'est l'essentiel et c'est ce qui m'a le plus frappé. Car dans le trouble douloureux où me jetaient ces étranges paroles, bien des choses m'ont échappé. La surprise, l'indignation, la colère, la douleur, le désespoir m'enlevaient ma raison. En même temps qu'elle me portait ses coups, elle m'assurait de son amour. Cela vous prouve qu'elle n'agit pas librement, et qu'elle est poussée par une volonté plus forte que la sienne. Ce matin, je vous disais qu'elle était entraînée par l'exaltation du sacrifice. Maintenant, je vois qu'il y a autre chose dans sa résolution. Assurément, elle est victime d'une machination. Laquelle ? Sauvons-la ! Je crois être sur la voie, mais il me faut encore des renseignements que vous pouvez, je l'espère, me donner. C'est le préfet, n'est-ce pas, qui a introduit M. de Saint-Austrebert chez M. Daunis. Quelles étaient les relations de M. de Chelus avec M. de Mériol, et quelles étaient celles de M. de Mériol avec M. de Saint-Austrebert ? Je ne sais s'il existait des relations entre M. de Chelus et M. de Mériol. Cependant, je ne le crois pas. Quant à Mériol, il ne connaissait pas M. de Saint-Austrebert lorsque celui-ci est venu pour la première fois à Châteaupignon. Vous en êtes sûr ? J'étais présent à l'entrevue, j'en suis certain. Seulement, ils se sont liés très rapidement et ils sont devenus inséparables. Inséparables. À ce point qu'une affaire qui eût pu les brouiller n'entama même pas leur intimité. Dans une partie qui a duré 2 nuits et 1 jour, M. de Saint-Austrebert a gagné 70 000 francs à Mériol. Et M. de Mériol pouvait-il payer ses 70 000 francs ? Je crois que cela le gênait beaucoup, car il est ruiné. En tout cas, il n'a pas tenu rancune à son vainqueur. La demande de M. de Saint-Austrebert était-elle faite lorsque cette partie a eu lieu ? Je ne crois pas. Bien, cela suffit. Croyez-vous donc que M. de Saint-Austrebert s'est fait appuyer par Mériol ? Celui-ci n'a aucune influence sur M. Daunis. Je cherche, et je crois que je trouverai. Pour le moment, restons-en là. Me permettez-vous de vous revoir ? Assurément. Je vous engage même à vous loger dans cet hôtel. Nous pourrons nous voir ainsi plusieurs fois par jour, et je vous tiendrai au courant de mes démarches. Je ne peux pas vous dire que vous épouserez Marthe. Cependant, je vous engage à ne pas désespérer. Tout n'est pas fini. Au revoir. M. Heisenberg retourna à l'hôtel de l'avenue de Messine. Il était 2h30 lorsqu'il y arriva. Il fit demander à Mme Daunis si elle pouvait le recevoir. Presque aussitôt, elle entra au salon, et M. Heisenberg remarqua qu'elle était en toilette de ville et coiffée d'un chapeau. « Je regrette de vous empêcher de sortir, dit-il, mais je vais vous entretenir d'un sujet de la plus grande importance. »« J'ai tout le temps de vous entendre, » dit Mme Daunis en s'asseyant. « Je sortirai plus tard, rien ne presse. » Elle souriait à M. Heisenberg en prononçant ces quelques mots de politesse. Elle fut surprise du regard étrange qu'il fixait sur elle, mais elle ne s'en inquiéta pas autrement. M. Heisenberg sans doute subissait l'influence de Marthe. « Le sujet qui m'amène, » continua M. Heisenberg, « c'est le mariage de ma petite fille. Marthe consent à épouser M. de Saint-Austrebert. C'est là une bonne nouvelle. M. Daunis désire vivement ce mariage. Jamais il n'aurait consenti à accepter M. R.M. pour gendre. Il serait résulté de cette situation un embarras très grand, sans parler des souffrances de Marthe, qui eussent été pénibles. Cette détermination qui étrange tout me paraît sage et heureuse. Je n'en doute pas, mais, à moi, elle paraît déplorable. Vous n'aimez pas M. de Saint-Austreberte? J'ai pour lui le plus profond mépris, car je le connais, ou tout au moins je sais sur son compte des choses qui me mettent à même de l'apprécier à sa juste valeur. Mais ce n'est pas de lui que j'ai souci, c'est de ma petite fille. Marthe n'a pas pris la détermination que je vous annonce librement. On a pesé sur elle, on l'a circonvenue, et par une série d'intrigues et de machinations, on a violenté sa volonté. Aussi suis-je bien décidé à m'opposer à ce mariage qui ne se fera pas. Il faut faire connaître ses machinations et ses intrigues à M. Denis, car si Marthe a été trompée comme vous le soupçonnez, je ne soupçonne pas, je sais. Si Marthe a été trompée, M. Denis a dû l'être aussi. Il l'a été comme Marthe, on a pesé sur lui, comme on a pesé sur elle. Il faut le détromper. C'est sur vous que je compte. Et c'est ce que je viens vous demander de faire. Il est dit que de tous côtés, on me demandera d'intervenir dans ce mariage. Monsieur de Saint-Austreberte d'abord, mon mari ensuite, puis Marthe, vous enfin, monsieur. Tout le monde a voulu successivement m'obliger à entrer dans cette affaire, en dehors de laquelle je tenais tant à rester. Il est bien malheureux que vous n'ayez pas réalisé votre intention. Mais puisque ce mariage n'est pas fait, il est temps encore pour vous de revenir en arrière. Et que voulez-vous de moi, monsieur? Je veux que vous empêchiez ce mariage et que vous répariez le mal que vous avez fait. Mais quel mal ai-je donc fait? Ne m'obligez pas à entrer dans des détails pénibles. Vous devez me comprendre, vous me comprenez trop bien. Je vous jure, monsieur, que je ne vous comprends pas du tout, et votre accusation est tellement extraordinaire que je vous demande de l'expliquer. Je le désire, vous le devez. M. Hazabert hésita un moment, puis baissant la voix et détournant la tête. J'étais hier dans le parloir, quand vous avez reconduit M. de Mériol. Placé derrière une glace qui me cachait, j'ai entendu votre conversation entière. Madame Denis était sur un canapé faisant face à M. Hazabert, assis sur un fauteuil. En entendant ces paroles, elle se cacha le visage entre ses deux mains. Ils restèrent durant 2 ou 3 minutes silencieux. Madame Denis, la tête enfoncée dans le coussin vers lequel elle s'était détournée. M. Hazabert, les yeux attachés sur une fleur du tapis. Enfin, le silence devenant trop long, M. Hazabert reprit la parole, mais sans relever les yeux. « Vous m'avez contraint à parler. Il faut maintenant aller jusqu'au bout. Je dois vous indiquer ce que j'attends de vous. Quant à ce qui touche Denis, je n'ai rien à vous dire. Une femme qui a eu le malheur de commettre une pareille faute doit trouver en elle des moyens d'expiation. Je laisse à votre conscience le soin de trouver ce que vous devez faire pour votre mari. » Madame Denis n'avait pas bougé. La tête enfoncée dans le coussin, elle avait l'immobilité d'une morte. Au soulèvement saccadé de ses épaules, on devinait seulement qu'elle était vivante. « C'est de Marthe seule que j'ai souci pour l'heure présente. Et voici ce que vous devez faire pour elle. Vous devez empêcher son mariage avec M. de Saint-Austreberte, et dans 2 jours, M. de Saint-Austreberte doit être consigné à votre porte. » Madame Denis resta toujours immobile, ne bougeant pas, ne répondant pas. « Ne m'avez-vous pas compris, madame ? » dit M. Hazabert, après avoir attendu durant assez longtemps. « Non, monsieur, » dit enfin Madame Denis à voix basse et en parlant entre ses mains. « Ce que je demande est cependant bien simple. Défaites ce que vous avez fait, ouvrez les yeux que vous avez fermés, éclairez l'esprit que vous avez abusé. Empêchez M. de Saint-Austreberte d'épouser Marthe. » Je vous entends. Je ne vous comprends pas. Je n'ai jamais appuyé les prétentions de M. de Saint-Austreberte. Madame! Je vous le jure, monsieur. Que vous veuillez me tromper, cela n'a malheureusement rien qui m'étonne. Mais je ne peux croire ni vos paroles, ni vos serments. Et le moyen de défense que vous paraissez vouloir adopter n'a aucune prise sur moi. Car je sais comment ce mariage a été préparé et comment M. Denis a été amené à l'accepter. M. de Saint-Austreberte s'est fait l'ami de M. de Mériol. Il lui a gagné une somme considérable que celui-ci n'a pu payer. Pour s'acquitter, M. de Mériol lui a donné en paiement l'influence qu'il avait sur vous. De votre côté, vous avez donné à M. de Mériol, à qui vous ne pouvez rien refuser, l'influence que vous aviez sur votre mari. Et voilà comment ce pauvre Denis en est arrivé à vouloir ce mariage. Je vous jure que je ne sais pas un mot de ce que vous me dites. Je vous jure que je n'ai jamais influencé M. Denis. Il m'est pénible de vous dire que je ne peux pas accepter vos serments et que je ne veux pas entrer dans une discussion avec vous. En deux mots, voici ce que je veux. Agissez sur M. de Saint-Austrebert, agissez sur M. de Mériol, agissez sur votre mari, agissez sur qui vous voudrez, cela m'importe peu. Ce que je demande, ce que j'exige, c'est que ce mariage ne se fasse pas. Vous me demandez une chose impossible. Je vous ai dit que je ne voulais pas discuter. Si vous ne voulez pas éclairer votre mari, je m'en chargerai. Cela me sera douloureux, mais il n'y a rien que je ne sois décidé à faire pour sauver ma petite fille. Ne m'obligez pas à montrer à Denis les moyens qui ont été employés pour forcer son consentement. » À ce moment, un valet annonça M. le vicomte de Saint-Austrebert. Mme Denis voulut répondre qu'elle ne pouvait pas recevoir, mais M. Azimbert intervint. « Recevez-le, au contraire, dit-il, et profitez de l'occasion que la Providence vous envoie. »